les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le nom de Jean Gruau ne vous dit peut-être rien. Il y a fort à parier pourtant que vous connaissiez un ou quelques-uns de ses travaux. Il est en effet l'auteur, entre autres, des scénarios de Jules et Jim, des Deux Anglaises et le Continent et de l'Histoire d'Adèle H. de Truffaut, de La vie est un roman et de l'Amour à mort de René, de Vanina Vanini et de La prise du pouvoir par Louis XIV de Rossellini, de La religieuse de Rivette ou encore des Carabiniers de Godard. Né en 1924 à Fontenay-sous-Bois, disparu en 2015 à l'âge de 90 ans, il fut aussi à la fin de sa vie le producteur de Mafrouza, formidable documentaire d'Emmanuel de Maurice, et participa avec bienveillance à l'adaptation par Valérie Donzelli d'un scénario qu'il avait écrit pour Truffaut au début des années 1970, Histoire de Marguerite et Julien. En 1978, à l'occasion de la sortie en salle de La Chambre verte, sa dernière collaboration avec Truffaut, il était l'invité de Claude Jean-Philippe pour deux volets du cinéma des cinéastes. Dans le premier, diffusé le 18 juin 1978, il racontait comment, après avoir été séminariste, puis communiste, puis acteur de théâtre, il en était venu à écrire pour le cinéma pour la première fois. C'était en 1958, avec son ami Jacques Rivette, le scénario de Paris nous appartient. Au moment de l'entretien, il était en train de plancher avec Alain René sur celui de Mon oncle d'Amérique, travail qu'il évoque aussi au fil de la conversation, entre deux anecdotes, trois digressions et quelques parenthèses. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes, ce sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir, avoir du goût. Alors, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à un premier entretien avec Jean Gruau, qui, comme vous le savez, est le scénariste collaborateur de François Truffaut pour La Chambre verte, qui a travaillé avec Jacques Rivette, qui a travaillé avec Rossellini, et qui, pour ce premier entretien, nous racontera essentiellement les origines de sa vocation de cinéphile, de comédien et d'auteur de films en tant que scénariste. Voilà, cette première émission ira depuis le début, c'est-à-dire depuis son enfance, jusqu'à Paris nous appartient. C'est une sorte de récit que je vous invite à écouter parce qu'il est non seulement plein d'enseignements, mais en plus il est très vivant. Jean Gruau est un conteur assez magnifique. Alors, pour l'actualité cinématographique, il est bien évident que pour nous, elle se résume à quelques films, à Rêve de singe, à Une femme libre, au film de Cyberberg sur Hitler dont j'ai vu les 7 heures, et qui est un film dont on peut dire le plus grand mal, dont on peut dire le plus grand bien, mais qui est probablement un film très passionnant sur lequel il faudra sans doute revenir un jour avec Cyberberg ici au Cinéma des Cinéastes, parce qu'il me semble qu'il s'agit d'ambitions pour le cinéma tout à fait étonnantes, qui sont celles de Cyberberg. Bon, alors, Pierre Deladieu, on a très peu de temps pour signaler ce qui se fait à l'Action République et qui est très intéressant. Oui, on va commencer par l'Action Christine, d'avant l'Action République. L'Action Christine, il se trouve qu'il y a des films fantastiques de la RKO, la compagnie américaine RKO, Radio Kaiserfilm, qui passe actuellement, dans lesquels il faut voir absolument, il y en a plusieurs qu'on peut voir, on peut voir Bedlam de Mark Robson, on peut voir Les Derniers Jours de Pompeii d'Ernest Chodzak, mais il faut voir absolument en tout cas Vaudou, qui s'appelle en anglais I Walked with a Zombie, de Jacques Tourneur, qui est un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, et que, ce qu'on ne sait peut-être pas assez. Et à l'Action République, on a encore cette soirée et deux autres jours pour voir la fin de la rétrospective Bresson. Alors ce soir, on peut voir Un condamné à mort s'est échappé. On serait trop recommandé d'aller voir ce film. Demain, Mouchette et après-demain, Le Diable, probablement. Et après cela, à partir de mercredi, il y a une rétrospective de tous les films de Paul Vecchiali. Vecchiali a fait que 5 films, mais c'est quand même important de pouvoir tous les voir en même temps. Et à l'occasion de cette rétrospective, Vecchiali a demandé à Paolo Branco d'organiser deux hommages. Un premier hommage à Jean Grémillon, pour avoir pratiquement l'intégralité des films de Jean Grémillon, depuis Gardien de phare, La Petite Lise, en oui, passant... Vecchiali, il était venu à l'émission, et c'est un fou du cinéma français. Bien ça doit ça. Être la personne en Europe qui connaît mieux le cinéma absolument, français. Absolument, et de là ce double hommage. Remorque, Gueule d'amour, Six Juin à l'aube, André Masson et les quatre éléments, L'amour d'une femme, enfin, une rétrospective presque intégrale qui est un véritable presque, événement. Presque intégrale. Il en manque 3 ou 4. Mais ah non, il en manque quelques-uns. Enfin, je ne les cite pas tous, je pourrais tous les citer si tu veux. Et Daniel Darieux, on pourra voir non seulement La vérité sur Bébé Donge, Occupe-toi d'Amélie, d'Autant Lara, mais aussi des films d'Henri de Coin comme Abus de confiance, Retour à l'aube et surtout Le plaisir et Madame II du grand Max Ophüls. Jean Gruau, je suis très heureux de vous accueillir au cinéma des cinéastes. D'ailleurs, c'était un vieux projet de vous interroger et de parler avec vous longuement. La Chambre Verte nous fournit une assez bonne occasion de rencontre puisque tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est un des plus beaux films de Truffaut. Vous en avez été le scénariste avec lui. Je sais qu'actuellement vous travaillez avec Alain René, mais je voudrais qu'on remonte un peu plus loin et que vous disiez, c'est un peu une tradition de cette émission, quelle a été votre rencontre avec le cinéma et votre histoire, disons, d'amour avec le cinématographe. Alors, ça remonte très loin. Oui, à la fin des années 20. À la fin des années 20. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Ah ben, je suis né en 24. J'ai connu la fin du muet. À l'Éden de Vincennes, qui maintenant, je crois, est transformé en garage. J'ai vu ça il y a quelques années. J'allais donc à l'Éden de Vincennes avec avec mon grand-père et une vieille tante. Et de temps en temps, la bonne, Germaine, qui aimait beaucoup le cinéma aussi. Et comme j'habitais Fontenay-sous-Bois, il fallait traverser le bois. D'ailleurs, ça avait quelque chose de... Et je me souviens d'un certain nombre de films. Je ne me souviens pas tellement des films eux-mêmes que de la discussion que j'avais soit avec Germaine, que j'aimais beaucoup, cette bonne de la maison, mon grand-père ou cette vieille tante, en longeant dans le soir qui tombait, le lierre des petites maisons de l'avenue de la Dame-Blanche, le long du bois de Vincennes. Qui était assez terrifiant, le bois de Vincennes, la nuit. Il n'y avait aucun moyen de transport, on était obligé d'y aller à pied. Mais ça ressemble à la chanson de Traîner, ça ressemble à Mon Vieux Ciné, Enfoui sous les branches. Ah oui, j'adore, c'est pour ça que j'adore Traîner. Et alors, on allait à cet Éden, et les premiers films que j'ai vus, ça, je ne sais pas, je pense que ça doit être des films de Starevitch. Je ne sais pas si vous... Oui, des films d'animation. Des films d'animation de Starevitch. Et on allait les voir parce que Starevitch, et je pense que sa fille... qui est Sani Cabot, existe toujours et a toujours cette maison à Fontenay-sous-Bois où il avait son studio installé, son studio d'animation. Vous savez, c'était un russe émigré, plutôt d'origine polonaise, émigré, et qui animait, il animait en particulier des animaux morts, ce qui était absolument extraordinaire. Et d'où mon goût aussi pour le trucage dans les films, pour les maquettes... J'adore, par exemple, dans les films d'Hitchcock, toutes les parties maquettes. Par exemple, Number 17, j'adore la poursuite auto-train en maquette. J'adore les trains électriques, j'adore tout ça. Et ça vient peut-être de ce premier contact que j'ai eu avec les films d'animation. J'aime pas les dessins animés. Hein. J'aime l'animation en relief. C'est-à-dire que c'est King Kong. C'est Méliès, alors. C'est l'univers. Mais j'aime pas Méliès, c'est trop plat. j'aime bien Méliès, mais j'aime plutôt Méliès en tant qu'acteur, en tant que les trucages de Méliès. Je sais que là, je suis en contradiction avec René parce que lui, justement, ce qui lui déplaisait dans les films de Starevitch, mais il n'a pas eu la même expérience de Starevitch que j'ai eu de moi, ce qui lui déplaisait dans les films de Starevitch, c'est que justement, c'était des cadavres. Je crois que c'est peut-être... Moi ça m'effrayait, justement, et je trouvais ça pas mal. J'en ai retrouvé un en Super 8, Le Chant du Rossignol. Il avait des procédés de couleur aussi, il tournait en couleur avec un procédé d'enregistrement direct de la couleur, pas de film colorié. Alors les autres films que j'ai eus, là, je crois que j'ai vu L'Arche de Noé de Curtis. Ça, mais vous savez, j'avais 4 ans. Quoi. L'Arche de Noé de Curtis, parce que je me souvenais de certains plans. Et ces plans, je n'arrivais pas, pendant très longtemps, pendant des dizaines et des dizaines d'années, j'avais ces plans dans la tête... Et en particulier, l'arche en train de s'ouvrir et un couple en train de descendre vers une espèce de monde nouveau, la marche des animaux, etc. J'étais persuadé que ça sortait d'un film de Cécile B. 2000. J'étais persuadé que ça sortait des 10 commandements, je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadé d'avoir vu j'ai dû voir effectivement aussi les 10 commandements, mais je mélangeais les deux films bibliques, vous voyez. Et un jour, en allant voir Le crime était presque parfait, Hitchcock, en première partie, il y avait, vous savez, de ces petits films américains, les beaux films d'autrefois, il y avait un petit montage sur l'Arche de Noé. Et j'ai identifié le film, j'ai revu les mêmes plans. Ça a été une émotion extraordinaire. Ouais, c'est-à-dire, j'ai vu, c'était combien 25 ans après. Ouais. Ah, ça m'a fait un effet extraordinaire. Donc, j'en déduis que j'ai eu ce film. Et ensuite, après des discussions avec Jean Gabory, je crois avoir vu également Le Brigand bien-aimé avec John Barrymore. À cause de certains plans, il m'a raconté l'histoire. Je me dis, oui, effectivement, je connais cette histoire. J'ai vu le Casanova de Volkov, je crois, hein, avec Moujoukin. Et puis alors, il y avait le Pâté Babillon en même temps, qui était quand même un contact alors, matériel avec le cinéma. Je ne sais pas si vous êtes plus jeune que moi, vous ne vous souvenez peut-être pas du Pâté Babillon. Vous passez Napoléon de la Belle Vance en bobine de 10 mètres. Alors, c'était terrible, on changeait de bobine tout le temps. Si bien que j'ai vu des séquences du Napoléon que... Si, je n'ai pas vu le dernier montage qu'il a fait, mais il y avait en particulier tout Brienne, toute la bataille de Boule de Neige, etc. On la voit rarement. Oui, on la voit rarement, oui. Mais il l'a récupéré. Oui, il l'a récupéré. Je n'ai pas vu son dernier montage. Bon, alors, ça, c'est l'enfance. Ça, c'est tout à fait. C'est le muet et le Pâté Babi qui a beaucoup d'importance parce que je connaissais déjà très jeune les acteurs et tout, parce qu'on en discutait avec mes parents, avec mon grand-père et tout ça. Alors, ensuite, on a émigré à Angers après la mort de mon grand-père. Et à Angers, alors on a continué. Alors, c'est là que j'ai vu King Kong, c'est là que j'ai vu tous la Blonde Vénus. Et la suite de King Kong, comme chacun sait, parce qu'on s'aperçoit que King Kong, en réalité, c'était Marlène Dietrich. Tout le monde le sait. Enfin, tous ces films, et j'allais voir beaucoup de films d'épouvante, puisqu'à l'époque, on n'interdisait pas c'était pas interdit au moins de 13 ans. Pas la souffrance. Enfin, il voit qu'avec la télévision, maintenant, les gosses se rattrapent, parce que King Kong est interdit aux moins de 13 ans, mais on le passe à la télé, donc tous le regardent. Ou Rosemary Baby, il le regarde. Ça, l'avantage de la télévision, ça permet de voir les films interdits aux enfants. Les enfants sont heureux. Alors il y a eu ce rapport, il y a eu le lycée. Mais ce n'était pas un rapport très conscient. Le cinéma était un plaisir, était le but de ma vie. Je me rappelle la semaine où j'ai attendu Things to Come. Le film de Wells, vous savez, que j'avais très envie de voir. Je me rappelle, toute la semaine, parce qu'on avait eu un désir du cinéma, je pense, et j'en ai parlé avec des vieux routiers comme René, on avait un désir du cinéma qu'on a pu maintenant, où c'est le robinet, vous voyez. Là, par exemple, on avait une peur des catastrophes, quand on était enfant, même assez âgé, à 13-14 ans. On avait une peur d'une catastrophe qui nous empêcherait de voir le film désiré, vous voyez. J'avais vu la bande-annonce. Alors, la semaine suivante, d'abord, est-ce que j'aurais pas de telle mauvaise note au lycée pour que mon père m'empêche de le voir? Ou est-ce que pour telle ou telle raison, je ne pourrais pas le voir, etc. Il y a eu des films comme ça. David Copperfield de Cukor, c'était très important pour moi de le voir, puisque j'ai lu le roman. Il y a L'île au trésor aussi. C'est de David qui avec... Oui, là, on commence à entrer dans les films que j'ai vus, moi, à 6 ans. Enfin, je veux dire. C'est ça, il y a le petit décalage. Puis René, il y a l'autre décalage, où il est un peu plus vieux que moi. Alors, il a une collection de films muets bien plus importante que la mienne, qui est moi très confuse. Moi, ça commence à Romain Desbois, en réalité. Ça commence. Oh là là, ça commence très tard. Alors, c'est déjà plus tricolore. C'est déjà... Moi, Desbois, j'avais déjà vu, dès avant la guerre, deux, trois fois. Hein, ça, j'adorais. J'adorais tous les Errol Flynn. J'étais amoureux d'Olivia de Havilland, comme tout, naturellement. Tous les garçons de mon âge. Et donc, je l'ai vu plusieurs fois. Toujours doublé, bien sûr. Capitaine Blood. Capitaine Blood, la charge de brigade légère. C'est Curtis et Errol Flynn, quoi. C'est Curtis et Errol Flynn, oui. Et puis, il y avait un western aussi formidable que j'ai revu. La rivière d'argent, peut-être, c'est ça. Peut-être. Avec une bagarre, c'est extraordinaire. Mais... Donc, je voyais beaucoup de films américains, mais je voyais également beaucoup de films français. Mais ça, alors là, c'était le supplice. C'était les films avec Henri Rolland. Et à part deux ou trois, qui étaient en général les films de tourneur, je m'en suis aperçu depuis. J'avais horreur de ça. Parce que c'était les films qu'aimait voir ma mère. Et Gaby Morlaix, je disais, c'est tout ça. Il y en a certains, quand même, que j'ai beaucoup aimés. Mais enfin, ça nous emmène trop loin. Par exemple, Les Deux Orphelines. Parce que le mythe des Deux Orphelines m'a toujours plu. Alors, j'ai adoré Les Deux Orphelines de... Griffith de Tourneur, celui de Tourneur. Maurice Tourneur, oui, avec Orné Saint-Cyr et puis... Il y avait un très beau Griffith auparavant. Ah bah oui, mais ça, je l'ai à la maison, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors ça, c'est la deuxième fin. Alors ensuite, il y a eu la guerre, il y a eu la découverte des films nazis. J'aimais beaucoup le cinéma allemand. J'étais de famille de droite, donc on n'avait pas aucun scrupule à aller voir des films allemands. Et j'ai vu quand même de très beaux films. C'est là que j'ai fait la connaissance de Camilla Horn, que j'ai retrouvée ensuite... Dans les... Parce qu'il y a eu un très bon film qui est sorti sous l'occupation avec Camilla Horn, et je me suis aperçu depuis que c'était un remake d'un film avec John Barrymore dont le scénario est de Stroheim, qui s'appelle Tempeste, et qui est un film de Sam Taylor, un type qui s'appelait Sam Taylor. Et c'est un scénario qui a écrit Stroheim pour se refaire un peu pendant le tournage de la Symphonie nuptiale. Alors, ce film, c'était un film anti-bolchevique, vous savez, le film anti-bolchevique traditionnel avec les affreux bolcheviques qui massacraient les Blancs, etc. Et ça s'appelait Le Croiseur Sébastopol, mais je ne sais plus qui, mais on trouve c'est pour ça que j'ai eu grand plaisir à lire aussi. C'est la même impression que j'ai eue en voyant ce documentaire sur l'Argent Noé. Quand vous lisez le bouquin de Kadar, c'est le bouquin sur le cinéma. Nazi, oui. Vous arrivez à identifier des films que vous avez vus confusément, vous ne saviez pas qui étaient les réalisateurs, etc. Et en particulier, j'étais intéressé d'avoir des renseignements sur le Marie-Histoire avec Zar Leander, que je trouve bien meilleur que celui de Ford, sur ce film, ce Croiseur Sébastopol, etc. Mais il a oublié certains films. J'ai eu des comédies avec Jenny Jugo, il n'en parle pas du tout. Des comédies genre comédie américaine qui étaient pas mal. Mais peut-être, comme dit René, ce qui nous plaisait dans les films de cette époque, dans les films de la UFA, c'était peut-être que les Allemands, eux aussi, avaient la nostalgie du cinéma américain et que c'était un peu des sous-films américains ou des imitations de films américains. Il y a peut-être ça. Ça, c'est... Bon. Tout ça nous entraîne assez loin. Et j'arrive... À cette époque-là, je me suis mis à faire du théâtre. Je me suis découvert une vocation d'acteur au lycée. Hein. Ce qui m'a fait que j'ai raté mon bac. On avait fondé avec des copains une troupe d'amateurs. On jouait des classiques. Et puis, je me suis agrégé à une troupe d'amateurs... qui jouait alors à tendance chrétienne, on jouait du Guéant, vous connaissez le Maine-et-Loire, c'est l'Irlande. on est porté au mysticisme. Mais il y a lui connaît bien, Pierre Donadieu connaît bien. Ah bon, vous êtes angevin? Ma famille habite Angers, oui. Ah bah vous avez connu le Masque en Genève, René Rabot, tout ça, non c'est trop... Ah René Rabot, oui, ça très bien, Alors j'ai fait connaissance de René Rabot, j'ai fait du théâtre avec lui, on a joué des pièces de Guéant, des trucs... Et sur ces entrefaites, mon père était mon grand-père, surtout, scientifique clérical. Après la guerre, j'avais eu beaucoup de copains juifs déportés, etc., tout ça. L'ambiance, je suis rentré au séminaire. J'ai donc fait 3 ans de séminaire, je me suis converti, je suis rentré au séminaire. Là, au séminaire, j'ai pu lire Karl Marx, que je ne connaissais pas du tout, Sartre, etc. Et je suis sorti du séminaire, bolchevique à Turin. Et ensuite, mes parents sont montés à Paris. Toute la famille, peu à peu, a émigré. Bon, on est remonté à Paris. Alors là, j'ai essayé de faire tout en bricolant, tout en étant pion, vendeur d'ivraie, dans différents boulots. J'ai essayé de refaire du théâtre. Et c'est cette époque-là, on se retrouve donc vers 48-49, époque où je me retrouve Alors, je découvre la Cinémathèque, Ciné-Club du Quartier Latin, et je me retrouve, alors, je fais connaissance de Rivette, de François, de Godard, etc. Vous voyez ? De Romère aussi, je suppose. De Romère, mais qui était un type qui nous en imposait au début, c'est ça qui est rigolo. Parce que Romère, quoi, il y a deux, trois ans de plus que moi, c'est tout. Mais il nous en a pensé parce que j'ai découvert Romère, la première fois que j'ai vu, c'était Objectif 49. J'avais adhéré à Objectif 49. Mais ça, c'est très très important. J'étais pion. Enfin, mais pour l'histoire du cinéma, c'est très important cette période-là, vous en conviendrez. Et Objectif 49, oui, on n'en parle pas du tout d'Objectif 49. Alors, c'est moi, je retrouve que cette rencontre entre tous ces jeunes gens et pendant ces années-là, 49, le Ciné-Club du Quartier Latin Alors là, je commençais depuis un certain temps à m'intéresser au cinéma. D'abord, j'ai découvert aussi le cinéma soviétique à cette époque-là. Je connaissais très très peu. J'ai découvert le cinéma soviétique, Arnstam, Hermler, Donskoï, Barnett, tous ces gens-là que je découvrais du fait de mes convictions politiques de l'époque, et puis la curiosité, je toujours été très curieux. Alors j'avais une période d'emballement pour tel ou tel. Mais avec vocation pour le cinéma stalinien, contre le cinéma des années 20. Je défendais Nevsky, j'adorais faire ça dans les réunions de ciné-club, je défendais Nevsky contre Potemkin, vous voyez. Je défendais Ivan le Terrible, à plus forte raison, vous voyez. Ça, c'est douteux, il y avait une part de snobisme là-dedans. J'étais un fanatique de Zoya, Rivette aussi était comme ça. On avait un peu le goût du paradoxe, il faut le dire. Votre vocation à ce moment-là, c'est d'être acteur Non, j'ai toujours rêvé cinéma parce que c'est très curieux. Alors là, il faut que je revienne en arrière. Quand je jouais avec ma sœur, on avait un grand jardin où il y avait un peu tout. Il y avait la jungle, puisqu'il y avait un petit bois, il y avait une espèce de mare au fond. C'est très bien pour les jeux. On jouait, et avec mes cousins, nos jeux n'étaient pas des jeux. On ne disait pas, on va jouer à la guerre, on va jouer aux Romains et aux Chrétiens. On va jouer à ceci. On disait, on va jouer à un film qui raconte... C'est ça. On commençait nos jeux en faisant des espèces de danses, évidemment, en dehors absolument de la vue des grandes personnes. C'est un peu comme les Bronti avec les romans, leurs petits romans secrets. Et en jouant un truc, on disait... on avait une maison de production qui s'appelait Etoli Film. Etoli Film présente, on lançait le générique, on faisait... On lançait le truc, on faisait notre truc, et on commençait notre histoire. Alors on avait des acteurs, des personnages... Il y avait Roger Bix, ses deux parents. Roger Bix était un crétin qui n'était bon qu'à faire du cinéma, etc. Il y a toute une mythologie qu'on se bâtissait comme ça. Le Mafron, j'ai dit, mes cousins, etc. Les parents, évidemment, ignoraient totalement ça. Si bizarrement, à table, on se mettait à faire des bruits bizarres. C'était des bandes son qu'on mettait. C'était très curieux. Ils se demandaient ce qui se passait. Et peut-être, on ne dira jamais assez le rôle des... Comment appelle-t-on ça? Du personnel de maison, des bonnes dans les vieilles familles bourgeoises. La bonne était une copine, et elle était au courant absolument de notre truc, puisqu'elle était un personnage, c'était l'héroïne. Comme elle était jeune et pas laide, donc c'était l'héroïne. Donc, on avait eu plusieurs bonnes qui ont été successivement nos héroïnes. Donc on peut dire que vous êtes déjà acteur et scénariste à ce moment-là. Et oui, on faisait mais c'était des romans, des films d'aventure. Oui. C'était des films d'aventure, j'ai oublié de vous parler évidemment de Tarzan, des lectures de nos lectures qui étaient Robinson, Mickey, Hopla, Hurrah, hein. Et donc, c'était la bande dessinée de la grande époque, Mandrake, le fantôme, tout ça, on découvrait tout ça. C'était 35-36. Bico aussi, je suppose. Bico, c'est déjà plus vieux. Hein, ouais, c'est un peu plus vieux. Ça me plaisait pas beaucoup, c'était pas des aventures. Ouais. J'aimais assez Ziggy Puce, oui, j'ai toujours gardé une affection pour Ziggy Puce. Oui. Mais Bico, oui. Et Pim-Pam Poum ? Pim-Pam Poum, oui, un peu, mais... Moi, ce que j'aimais, c'était Guy l'Éclair. C'est ça. Mandrake, c'était Le Fantôme, c'était Tarzan. Hein, et les lectures, c'était d'une part les lectures pour le plaisir. Il y avait Dumas, j'ai toujours beaucoup aimé Dumas. Il y avait Edgar Poe, j'ai commencé à lire, j'avais 9 ans. Et je me rends compte que maintenant, les gosses lisent des trucs, ne peuvent plus lire ces trucs-là. Mon fils lit Barthes, j'en suis totalement incapable, mais il est incapable de lire un roman de Dickens, ça l'emmerde. Ouais. C'est ça qui est curieux. Il y a des structures mentales complètement différentes. Ouais, ça, c'est le clivage d'une génération à l'autre. C'est ça. Ah oui, oui. Du récit le clivage est là. Oui, oui. Du récit il lise des essais, il lira volontiers des essais. Si, il ira Lovecraft, il y a tout ça. Mais, alors, la mode jouait aussi chez nous, mais alors maintenant, elle joue d'une façon bien plus. Et la mode a une grosse importance. Je vous parlais, je passe vraiment du coq à l'âne. Mais je vous parlais, par exemple, de mon adoration pour les films nazis, surtout pour les films soviétiques. Les films nazis, c'était encore spontané, ça m'amusait, ça ressemblait à des films américains. Bon. Mais les films, certains films soviétiques, il n'y a pas de doute que je défendais la comédie musicale, même quand elle était signée Piriev, soviétique, parce que je devais la défendre. Et je veux dire que ça valait bien les comédies américaines, que j'adorais aussi. Mais je les mettais sur un pied d'égalité. Alors j'adorais également les Cosaques du Kouban et un jour à New York, vous voyez. Oui, mais c'est drôle parce que Godard, à cette époque-là, est un peu comme ça aussi. Dans les articles de Hans Lucas, dans la Gazette du cinéma... Oui, on cherchait le provocateur un petit peu, je crois. Et puis, ça aussi, c'est des trucs... Avec René, on s'amuse beaucoup à décortiquer tous ces trucs-là, parce que ça nous intéresse pour le scénario sur lequel on travaille actuellement. C'est l'influence du préjugé sur nos goûts. Aussi bien en amour qu'en art. On a une idée préconçue et on réalise notre idée. Et puis ensuite, quand on change d'idée, on n'a plus les mêmes goûts. On se dit, mais pourquoi j'aimais tel film? Pourquoi j'aimais telle femme? Pourquoi... Oui, mais alors, est-ce que c'est pas a posteriori qu'on s'aperçoit que... Ah ben oui, ou alors d'autres idées se sont substituées. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on est en train d'aimer une autre femme ou d'aimer un autre film? Vous aimez un autre cinéma? Oui, mais peut-être parce qu'on a d'autres idées. Voilà, c'est ça, oui. Peut-être parce qu'on a d'autres idées. C'est une nouvelle version du platonisme, ça. Mais ça me frappe, ça me frappe parce que... Par exemple, comment ai-je pu lire Les communistes d'Aragon? Alors, j'ai lu Les communistes d'Aragon, c'est même, je crois, le seul roman d'Aragon que j'ai lu. Mais parce qu'à l'époque, on disait au parti qu'il fallait lire Les communistes d'Aragon, et je trouvais ça bien. Bon, donc à l'époque... C'est curieux, non? Donc à l'époque, si on se reporte à 49, vous êtes un jeune homme. Oui, et... vous êtes communiste, enfin, inscrit au parti? Je l'ai été très peu, très peu. Très peu? Mais enfin, j'étais inscrit au parti. J'ai milité. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est lié quand même à certaines choses intéressantes que j'ai faites. Donc j'étais cinéphile, et à l'époque, je commençais à faire du théâtre. Bon, théâtre avec Jean-Marie Sirot. Au Noctambule et Mauclerc, Jacques Mauclerc. Alors on a monté en 50, le premier spectacle à peu près régulier que j'ai joué, c'est un spectacle. Et je m'occupais de chercher des pièces aussi. Je bricolais, je griffonnais des petits scénarios que je soumettais à Romère. Je me vois encore en train de. Aussi les clubs du Quartier Latin, les débuts, en train de porter avec révérence mon espèce de petit exquis, une adaptation d'Adolphe de Benjamin Constant que je vais porter à Romère. Vous le portiez pourquoi? Pour qu'il émette des critiques. Ah ouais. C'était l'autorité déjà. J'avais essayé. Ah oui, c'est très curieux. Il avait déjà une autorité sur nous. Sur un type comme Rivette, qui n'avait pas su rien écrit, sur moi. Ça. Et on verra bien raconter. J'ai connu Rivette, d'ailleurs, par l'intermédiaire d'un de ses copains, Francis Boucher, qui travaille à la télévision, je crois. Oui. Et. C'est normal. Je travaillais dans une librairie l'hiver, tout ce monde-là m'avait rencontré au Quartier Latin. Alors, il y avait Suzanne Schiffman, il y avait Francis Boucher, Rivette. Ils venaient se chauffer dans la librairie, on ne vendait rien. Et alors de là, de discussion, je suis devenu ami avec Rivette, mais on était vraiment... Alors là, on ne se quittait plus, on traînait ensemble. Oui, mais ça supposait une cinéphilie très on voyait parfois 6 films par jour. Enfin, ça commençait parce que d'Angers, j'avais gardé des relations avec le directeur du cinéma où j'allais le plus souvent, et qui pendant les grands bombardements d'Angers en mai 1944, M. Guilbault, qui était d'ailleurs un ancien comédien, il s'était réfugié avec toute sa famille chez nous, dans notre maison, qui était en dehors de la ville. Et donc, il en était résulté une amitié formidable, si bien qu'il m'envoyait toutes ses invitations aux corporatives. Je me tapais toutes les corporatives. Tous les matins, j'allais aux corporatives. En sortant des corporatives, j'allais... Il m'y envoyait d'Angers, parce que lui, il est d'Angers, pour moi. Et j'allais ensuite, je me rappelle, en général au cinéma italien, avant l'augmentation, si c'était 60 francs l'entrée, n'est-ce pas ? Je ne bouffais pas, bien sûr. Ensuite, si j'avais un peu d'argent, je me payais un film en exclusivité sur les boulevards. Ensuite, en général, j'avais ces jours-là, ces jours fast, j'avais une séance au Quartier Latin vers les 5h30-6h. En sortant du Quartier Latin, direction la Cinémathèque, alors on restait jusqu'à la dernière séance. Oui, mais alors, est-ce en espérant que Mme Merson ne nous découvre pas. La cinémathèque avenue de Messine. C'est ça, oui. Il y avait moyen de rentrer à l'œil en allant, vous passiez par les chiottes. Et, vous... et ensuite, Mme Merson disait, hé, vous là-bas, vos billets. Alors, Penaud du plus en sortir de la payer plus. Je veux dire, il y avait du coulage, il y avait Jeannet qui était au contrôle, qui laissait passer, ou au Sif, quand il n'était pas trop mauvais poil ou pas trop contrôlé, il nous laissait passer. Bien, mais alors, est-ce que cette époque-là, qui est tout de même, enfin, 6 films par jour, est-ce que ça suppose une vie qui est rigoureusement de l'ordre de l'imaginaire, puisqu'on vit au cinéma pratiquement? Ah oui, on vivait au cinéma. Hein. Est-ce que c'était pas un peu pathologique? Enfin, moi, pathologique, oui, mais où est la pathologie? C'est ça, j'en sais absolument rien. Oui, c'était pathologique. Est-ce que c'était un refus de la réalité? Est-ce que c'était. Mais qu'est-ce que la réalité? Vous comprenez, ça, c'est une réalité, les films. Bon, toute réalité est plus ou moins imaginaire. Alors là, ce qu'on perçoit du réel est complètement fragmentaire. Non, il n'y a pas vraiment de... Alors là, justement, ça va être, je pense, l'ouverture du film qu'on fait avec René. J'ai lu pas mal de livres d'Henri Laborie. Or, nous avons du réel une perception, enfin, la perception au premier degré, enfin, au niveau... Sans utiliser d'appareils de mesure, de contrôle, de microscope ou de lunettes astronomiques, etc. Bien la perception que nous avons du réel est absolument fragmentaire. D'abord, on n'entend pas les ultrasons. Il y a des tas de sons qu'on n'entend pas. Une infinité de sons qu'on n'entend pas, certainement. Il y a une infinité de couleurs, de choses que nous ne percevons pas. Vous voyez, nous avons... une vision des choses à un certain niveau d'organisation, au niveau d'un ensemble, qui fait lui-même partie d'un ensemble, qui n'est que le sous-ensemble d'un ensemble, etc. Et à l'intérieur duquel se trouvent d'autres sous-ensembles. Donc, je trouve que dire que quelqu'un est en dehors de la réalité, ça me fait rigoler. C'est comme le réalisme en matière de le cinéma réaliste, la littérature réaliste ou pas réaliste. Le seul fait d'écrire quelque chose ou de l'enregistrer... Ça coupe de ce qu'on appelle le réel, mais la vision qu'on en a est déjà une interprétation, non? C'est clair ce que je dis là. Oui, tout à fait. Oui, oui, d'ailleurs, Dis de façon. J'ai très envie d'un jour de faire venir Henri Laborie ici pour le faire parler de cinéma, pour voir ce que ça donne. Alors, il y va très peu. Hein. Il va très, très peu. Je crois qu'il a vu Marianne Bad dans sa vie, et puis Providence, parce qu'on l'a invité. Lui, il va très peu au cinéma. C'est un musicien surtout, il s'intéresse beaucoup à la musique, mais. Il a très très peu le temps, d'après ce qu'il nous a dit. Mais pour en venir à ça, donc, alors, c'était un genre de vie, vous comprenez? C'était un genre de vie. Mais qui devait se traduire, enfin, pour toute cette génération, il est évident qu'elle est aussi... Moi, ça ne m'empêchait pas de parler politique, mais pour moi, la politique, c'est une forme de cinéma. Et c'est vrai, c'est une forme de théâtre, de cinéma. Hier, une amie m'a fait visiter un peu le Sénat, j'ai l'impression d'être dans les coulisses d'un merveilleux théâtre. Oui. Puis, il faut dire une chose aussi pour ce qui est de cette époque-là, c'est que c'était aujourd'hui, quand vous décrivez ça, quelqu'un qui virait 6 films par jour tous les jours, ce serait un zombie, parce qu'il serait tout seul à faire ça. Pratiquement plus personne aujourd'hui ne vit ça. Alors qu'à l'époque, c'était pas une rareté. Et alors qu'en réalité, actuellement, je vois ma belle-mère qui est à la retraite, je suis sûr qu'elle se tape une quantité de films absolument incroyable, puisque sa grande distraction, c'est sa télé. Mais parmi les gens de 18 ans, ça n'existe plus, ça, en tout cas. Je ne sais pas. J'y connais des garçons. Le fils de Pierre Grunstein, par exemple, il va beaucoup au cinéma. Hein. Oui. Il doit avoir 15-16 ans. Il va beaucoup au cinéma. Il n'y a plus ce milieu cinéphilique, en tout cas, qui existait dans les années 50. Mais puis, on était un milieu extrêmement réduit. Maintenant, la cinéphilie est diluée un peu plus. Il y a beaucoup plus de gens. Et puis, elle est beaucoup moins virulente aussi. Ils n'ont plus à se défendre. C'est reconnu. Tandis que nous, c'était vraiment... On était en pleine contre-culture, là. Alors que maintenant, c'est devenu la culture officielle. D'ailleurs, ça a peut-être des liens avec la... En même temps qu'on reconnaît le cinéma, les gens n'ont plus du tout envie d'y aller. Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement bizarre. Oui, c'est fondamental. Hein? Oui, c'est fondamental. C'est bizarre, ça. Moi, j'arrive pas à comprendre. Bon, alors, vous alliez au cinéma tous. Bon, on allait tous au cinéma. Mais avec l'envie d'en faire, quand même, c'était évident. Ah oui, l'envie d'en faire. Mais c'est vrai que moi, je n'étais pas, je ne me sentais peut-être moins frustré qu'il arrivait à être. Puis si j'étais acteur, bon, je faisais très peu de choses. Mais par exemple, j'ai fait dans l'année, début 51, j'ai fait une tournée, c'est ma première grande tournée en Allemagne, avec Ciro. Je m'occupais de la régie, je faisais une panouille dans Georges Dandin. je m'occupais uniquement de la régie, mais de bricoler dans le théâtre, j'étais tout à fait ravi d'installer mes décors sur tous ces théâtres. Je découvrais les théâtres allemands. L'Allemagne était complètement... Il n'y avait plus une maison debout, enfin dans la Ruhr en particulier, mais ils avaient laissé debout les théâtres et les usines. C'était merveilleux. Alors, je me souviens à Stuttgart, il y avait le chauffeur du car. Moi, je logeais dans la gare de Stuttgart. J'étais émerveillé de découvrir, puisqu'elle n'avait pas été démolie. Elle était tellement costaud. C'était du moderne d'avant la guerre de 14, vous savez, ce moderne allemand. Ils étaient très en avance du point de vue architectural sur nous. Alors, un peu plus colossal et en meilleurs matériaux que le moderne qu'on a fait depuis. Et donc, ça n'a pas été tellement touché par les bombardements à Stuttgart. Et alors, nous, on logeait dans l'hôtel. Et cette gare m'émerveillait, puisque c'était la grande gare Mehrklin dont j'avais rêvé sur les catalogues Mehrklin quand j'étais gosse et que mon père ne m'avait jamais acheté parce qu'il la trouvait trop cher. Il prenait trop de place. Et donc, j'ai couché dans cette vraie gare. Et pendant ce temps-là, il y avait le chauffeur du car à qui on avait dit d'aller coucher telle place dans un hôtel. Il était revenu affolé, il me dit, mais il n'y a rien sur cette place, il y a des baraques tout autour, mais il n'y a rien, il y a une bouche de métro, c'est tout. Et c'était l'hôtel, était une bouche de métro, ils avaient encore gardé tous les cinémas que les Allemands avaient construits, tous les cinémas souterrains, il y avait un hôtel entièrement souterrain, un blockhaus. Bon, lui, voilà. Ça le rendait fou, bon, enfin bref. Non, pas bref, mais on vous écouterait, pendant des heures. Métropolis, ça en revient à Métropolis, je ne vous ai pas parlé de Métropolis. Non, j'ai envie de vous faire parler de votre travail. À cette époque, on a découvert, il faut bien dire qu'on l'a découvert seulement à cette époque-là, on a découvert Griffith vraiment, on a redécouvert Lang, moi je le connaissais par le Pâté Baby, je connaissais Métropolis, beaucoup de films expressionnistes allemands, mais en version réduite, je pouvais les voir complets, on a découvert Lang. On a découvert notre idéal féminin, et je parle en particulier pour François et moi, et puis un peu pour Rivette, qui est notre idéal féminin, qui était quand même Liliane Guiche, et le mythe des deux sœurs, tout ça qui se retrouve... je sais que je fais de la thématique, je ne devrais pas en faire, parce qu'il y en a marre, on va parler un peu plus de mise en scène, mais enfin, c'est quand même très important... Ce personnage de Liliane Guiche, on était tous plus ou moins amoureux d'une fille qui allait à la cinémathèque et qui ressemblait à Liliane Guiche, qui se prénommait d'ailleurs Liliane. C'était extraordinaire. Il y avait toute une ambiance autour de Liliane Guiche. Je crois que François lui a raconté ça à Liliane Guiche et qu'elle a été assez touchée puisqu'elle m'a dédicacé son grand album, là, mis des choses très très gentilles. Parce que c'est quand même très... Alors, depuis, je collectionne ses films et je suis un des fans de Liliane Guiche. C'est ma vedette préférée. Bon, alors, d'accord. On a vraiment l'impression d'un discours de quelqu'un qui a beaucoup fait le cinéma. Je suis parti en 51. J'ai fait connaissance de Charles Denner, qui à l'époque était un communiste farouche, et qui m'a fait connaître Claude Martin. Et je suis parti. Ça, c'est un petit peu important. Parce que là, je suis parti. J'ai fait partie d'une troupe de théâtre que supervisait André Marty, et qui faisait du théâtre d'agit-prop, vous voyez. Mais il n'y avait pas la publicité qu'on fait sur ce genre de théâtre maintenant. C'était complètement clandestin, un peu traqué par la police. On avait monté une pièce sur une espèce d'historique du mouvement ouvrier français dans le 13e, d'abord, dans le 13e arrondissement, c'était arrondissement d'Henri Marty. Et puis ensuite, on a surtout monté une pièce. On a écrit collectivement. C'est donc que j'ai commencé à écrire quelques scènes, à bricoler. La plus grande partie était écrite par mon ami... Henri Wexten, qui joue sous le nom d'Henri Delmas maintenant, qui travaille avec, à Aubervilliers avec Garand, et Claude Martin, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était un type qui a beaucoup de talent, qui est malheureusement mort comme Roberto, brusquement, qui a monté la commune d'Adamov. Non, vous ne connaissez pas Claude Martin? Non. On l'aimait beaucoup, écrivait. Alors cette pièce, Romer l'avait vue, Romer, qui était plutôt à droite à l'époque, et qui me trouvait un stalinien un peu emmerdant, me rigolait, quoi. Aimait beaucoup ce spectacle, il l'avait vu plusieurs fois, arrivait aussi, et le montage de cette pièce, les ennuis qu'on a eus, le machin, ça nous a servi de matière première pour le scénario de Paris nous appartient. C'est pour ça que je vous en parle. Et puis en même temps, moi j'ai fait des exercices d'écriture, on a fait un travail de montage qui ressemblait un peu au travail du montage d'un film en collectif. On a tourné pendant 2 ans avec ça. C'était le Secours Populaire qui nous prenait en charge et nous étions payés un peu comme des permanents du Secours Populaire, vous voyez. J'ai fait ce travail-là et ça, c'était une expérience extrêmement enrichissante, extrêmement importante pour moi, puisque... expérience de contact avec les gens, puisqu'on était logés chez l'habitant, ça m'a fait connaître la classe ouvrière française. et pas seulement avec le sourire, les gens de province, beaucoup mieux que je ne les connaissais, des gens de tous les milieux, etc. J'ai l'épreuve, le contact avec les CRS, tout ça. Une expérience, donc, n'a pas eu Rivette, évidemment. Pendant la même époque, d'ailleurs, François avait son expérience de prison militaire et toute phobie. C'est ça. On avait des expériences assez rudes, tous les deux, vous voyez. Chacun de notre côté. Non, mais c'est là que la réalité commence à émerger, quand même. Je veux dire que vous dites que la réalité n'existe pas, mais en même temps... Une autre réalité. Et qui devient matière pour vous... On était des mystiques du temps de Staline, vous comprenez. Oui. Je gueulais contre Kravchenko, je n'en croyais pas un mot de tout ce qu'on nous racontait. Il n'y avait qu'une seule chose qui m'obsédait, c'est les Rosenberg, mais je ne pensais pas à ce qui se passait de l'autre côté, vous voyez. Maintenant, il y a une telle abondance, c'est inutile d'en parler, une telle abondance de littérature sur ce sujet, ça devient, on a même honte d'en parler, vous voyez, on est même ridicule. D'ailleurs, le bouquin de Semprin, etc., puis il était beaucoup mieux placé que moi pour savoir comment ça se passait. Alors là, j'ai décroché un peu du coup, tout en restant très... ayant toujours beaucoup d'amis, j'ai décroché à partir du moment où j'ai commencé à décrocher très sérieusement. Ça n'a donc pas duré longtemps, à partir du moment où on a viré Marty dans les conditions que vous savez, absolument dégueulasses. Mais j'ai continué à faire du théâtre. L'histoire de drame à Toulon, enfin de cette pièce sur Henri Martin, tout ça, le truc est foutu le camp en couille à partir du moment où Marty a disparu du parti. Et j'ai donc continué à faire du théâtre, mais presque jouer des classiques, en tournée pour les écoles, des trucs. Puis j'ai finalement joué dans le théâtre, pas appelé théâtre bourgeois, j'ai fait un petit truc dans Cyrano de Rouleau. Ça m'amène donc là, en ces années 56, j'ai bricolé à la radio avec Belmar et toute la bande, là. J'étais documentaliste dans les jeux, vous savez, des bricoles de genre. Et c'est à ce moment-là que, tout en continuant à aller beaucoup au cinéma, et à ce moment-là que Rivette m'a contacté un jour. On se voyait beaucoup, il venait souvent à la maison, puisque moi je m'étais marié entre-temps, donc on pouvait lui faire à peu près à bouffer, on se débrouillait. Avec ma femme, mon fils était né, et il était le parrain de mon fils d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que Rossellini a convoqué plusieurs d'entre nous. Alors c'est là où on a commencé à travailler à peu près sérieusement, si ça ne nous a pas permis de vivre, de bouffer tout à ce moment-là, mais on a commencé à travailler. Alors Rossellini avait eu l'idée, c'était en 1956, et il travaillait de Schmester à Franco-London à ce sujet. Il voulait monter une sorte de maison de production où il aurait fait travailler tous ses amis des cahiers, vous voyez, c'est-à-dire essentiellement Chabrol, Godard, Rivette, Truffaut... Et moi-même, qui n'avais jamais écrit dans les cahiers, mais qui les fréquentais beaucoup... Mais pourquoi est-ce que vous n'aviez pas écrit dans les cahiers ? Eh bien, parce que je ne me suis jamais senti critique. Je suis incapable de juger un film. C'est pour cette même raison que j'ai déchiré les cartes qu'on m'envoie pour aller voter au César. Oui, d'accord. Je ne suis jamais allé, j'ai toujours foutu les cartes au panier. Je ne peux pas... J'ai des films que j'aime ou que je n'aime pas, mais je ne peux pas... Parce que je me suis aperçu que les raisons objectives que j'avais d'aimer un film à telle époque de ma vie n'étaient plus les mêmes 2 ans après. Et puis je trouvais ce film détestable, etc. Vous voyez, il y a... Ça, c'est... Je ne crois pas du tout à une objectivité quelconque. Ça m'embête. J'aime raconter des histoires ou adapter des histoires. Ou même, ce qui m'amuse énormément, c'est à partir de documents réels, reconstituer une histoire, vous voyez, comme le travail que j'ai fait pour Adèle ou pour l'enfant sauvage, vous voyez. Mais autrement, non, j'ai pas du tout envie. Bon, alors, passons là-dessus. Alors, Paris nous appartient. Rossellini alors fait ce truc. Et on a commencé à écrire des scénarios pour lui. Il nous payait un tout petit peu. À l'époque, il logeait au Raphaël, il était encore avec Ingrid Bergman, il allait partir aux Indes, enfin, ce n'était pas encore dessiné. Et c'était des films qu'on aurait réalisés en 16 mm, et il voulait réagir, mettre au fond en application ce qu'on préconisait dans les cahiers, c'est-à-dire déjà faire des films sur la réalité française, voilà encore ce mot de réalité qui vient à la surface, mais enfin, sur la réalité française. Bon. Alors, nous avons fait avec Rivette un scénario très inspiré d'Europe 51, qui se déroulait à la cité universitaire. C'est Roberto qui... Alors, on avait... qui nous avait aiguillé là-dessus, parce qu'il a dit, à la cité universitaire, il se passe des tas de choses en ce moment, ça bouge énormément, il y a des bagarres entre noirs et blancs, c'est vrai, il y avait tout un tas de phénomènes racistes qui jouaient là-bas, descendre des blancs chez les noirs, descendre des noirs chez les blancs. Un jour, il y a les noirs qui étaient venus casser tout au restaurant de la Maison Internationale. Ensuite, il y a eu une descente des blancs chez les noirs qui ont été cassés tous chez les noirs. Enfin, il y a eu les flics qui étaient venus à la cité. Enfin, il y a eu des histoires, et ça, c'était en 56. C'était donc très, très longtemps avant mai 68. Et on est allé là, on a trouvé des copains africains qui nous ont fait rentrer clandestinement dans la boîte. On a vu un peu comment ça se passait. On a été bouffé. On a été même à... Je me rappelle, Yvette a été passée une soirée dans un bal à la maison des États-Unis, enfin, pour voir un peu comment ça se passait. On a écrit un truc. Et avec une héroïne, un peu une transposition moderne de Lillian Gish, par le truchement d'Ingrid Bergman dans Europe 51, mais un génie, vous voyez, qui sera la future héroïne de Paris nous appartient. Mais elle a été l'héroïne de notre truc. Une histoire. Se situant là. Sur ce, Roberto Fulcan nous donne un petit peu de fric qu'on partage avec notre ami noir, et notre documentaliste. Et puis, là-dessus, on s'est retrouvé un jour dans un bistrot avec Yvette. Et on s'est dit, mais au fond, c'est con d'en rester là. Moi, j'ai dit, je veux continuer, je veux partir de ce scénario, mais faire quelque chose qui nous soit plus personnel. Tu te souviens de l'histoire de Drama Toulon, d'Henri Martin, de Claude Martin, etc. Si on faisait un truc, on prend le même personnage central, mais on fait un truc sur le montage d'une pièce de théâtre. Et c'est comme ça qu'on a construit l'histoire de Paris nous appartient. L'histoire du complot dans Paris nous appartient étant venue se greffer par la suite. En souvenir de Hitchcock, souvenir de Notorious, souvenir de... Et puis on venait de voir qu'il se mit des lits, qui nous avait beaucoup frappé, vous voyez. Langue aussi, non pas... Langue aussi, confusément, oui, mais... confusément. On ne pensait pas directement à Langue. Souvent, d'ailleurs, on pense comme ça, on fait quelque chose qui ressemble à du Langue. Oui, on a repensé à Langue après, mais ce n'est pas absolument par hasard. Puisque ici, la séance de cinéma d'amateur où on voit Métropolis, vous voyez, ça m'est venu tout à fait par hasard. Ensuite, ça s'est justifié du fait qu'il se trouve que le scénario et le film est assez languien. Mais c'est tout à fait par hasard, parce que les films qu'on passait, il y avait Métropolis, c'était Copitispolis, c'était le film que je passais à mes copains en 1939, quand ils venaient à la maison. Je passais Métropolis, j'ai dit, oh, ils vont passer Métropolis. Pourquoi pas Métropolis? Mais c'est presque le hasard. Mais le hasard s'organise après coup. Ah oui. Tout, je pourrais vous expliquer tout Godard comme ça. C'est du hasard organisé après coup. Enfin, les carabiniers en particulier. C'est les difficultés du tournage, les difficultés du montage, les difficultés de la production du film qui deviennent un style. Mais après coup, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, alors il faut s'inventer une justification. Et on fait comme si on y avait pensé avant. Vous voyez, d'accord. Toute une mécanique. Et voyez, les carabiniers, ça, c'est très net. Et voyez, quoi, pour en rester à Paris des Appartiens, c'est quand même peut-être le seul document mental qu'on ait sur cette période. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment... C'est très exotique. L'anxiété de cette époque est complètement dans Paris nous appartient. Beaucoup, oui, plus que dans tous les documentaires qu'on a tentés à cette époque-là. Sur, n'oubliez pas, c'est l'époque du 13 mai. C'est ça, voilà. Oui. Ça. Et nous, on a fait le film avant le 13 mai. Et je me souviens des discussions avec Gérard Blin, tout ça, à l'époque. Oui, parce que Gérard Blin devait jouer dedans. Puis alors, il s'est engueulé avec Charles Bich. Enfin, il y a eu des salades. Mais alors, en même temps, il y a eu Le Beau Serge qui était tourné, qui est quand même quelque chose de très important, avec lequel je devais jouer. Et puis, je n'ai pas pu y aller parce qu'on était bloqué par la neige. Mon personnage a été pratiquement supprimé. C'est assez rigolo. Je jouais en même temps une pièce de Marcel Aimé à la Comédie Champs-Élysées. Et puis... Alors, il y a eu ce Paris nous appartient, il était fait, d'ailleurs je me suis engueulé avec Rivette en cours de tournage, c'était assez abominable comme tournage, on arrêtait, on reprenait, on volait de la pellicule, on tournait avec de la pellicule qu'on volait à Chabrol, au tournage des Cousins, à plus ou moins une complicité. C'était vraiment, c'était terrible, parce que maintenant, quand je vois les jeunes metteurs en scène qui disent, qui ont eu des difficultés à faire leur film, c'est... Mais, il y a quand même un petit quelque chose. Il y a quand même des gens qui s'intéressent un peu à ce qu'ils font. Là, c'était le désert. C'était c'était le néant absolu et c'était extrêmement affolant. Moi, j'avais une femme et un enfant à nourrir et ça ne pouvait pas durer, je ne pouvais pas. Alors, Rivette tout seul arrivait à s'en tirer. Il y avait du tiraillement partout. Et l'histoire du tournage de Paris nous appartient ressemble énormément à ce qu'avait été le montage de cette pièce sur Henri Martin et sur la guerre d'Indochine, où il y avait énormément de difficultés pour réunir les acteurs puisqu'on ne pouvait pas les payer, etc. Et l'histoire de la pièce à l'intérieur du film ressemble au tournage du film, parce que ça se passait exactement comme ça. Rivette jouant. D'ailleurs, au moment du montage, je me souviens que parfois Rivette avait des coups de déprime et Denise de Casabianca me téléphonait et me disait « Mais qu'est-ce qu'il est devenu? On va peut-être bien aller voir, peut-être qu'il s'est suicidé. Ou... » Comme le héros du film. Oui. C'était Le cinéma des cinéastes. Claude-Jean-Philippe recevait le scénariste Jean Gruau dans une émission diffusée pour la première fois le 18 juin 1978. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.